si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Belgique dans la sainteté, bonsoir et bienvenue dans cette autre séance de travail. Bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Le frère Jean-Marie Bekombo, le premier de la vieille. Bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir, frère Junior. Ça fait une éternité, on ne s'est pas vu. Et les bien-aimés frères et sœurs aimeraient te voir. La sœur reine, bonsoir et bienvenue. Le couple Tra, bonsoir et bienvenue. Le couple Tra, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir, frère Junior. Vous allez bien? Bonsoir, mes frères. Oui, ça va. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. La sœur Reine, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Je crois que son micro est fermé. Une reine pour en cacher deux autres, la sœur Carole Châtelon et la sœur Suzanne. Bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir, frère Junior. Shalom, shalom. Bonsoir, mes frères. Donc, il y a deux personnes qui parlent dans un même micro. Bonsoir, mes sœurs. Mais on ne les voit pas. Alors, donc, vous ne voulez pas qu'on vous voit, c'est ça? C'est seulement le frère Rabi et la sœur reine et moi qu'on voit ici. Shalom, shalom, bien-aimé. C'est-à-dire shalom, shalom, on voit, non? Shalom, frère Junior. Oui, shalom, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Voici la soeur Carole. Donc, vous voyez... Ça, c'est la sœur Suzanne Clodon. La sœur Suzanne Clodon avec la sœur... Il y a des pays de la sainteté qui viennent jeter d'autres pays dans la sainteté aussi. Donc, c'est l'Allemagne dans la sainteté qui vient être inclus dans Belgique dans la sainteté. La sœur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, ma sœur. Le frère Ali Diara, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça va tout à l'heure, on te voyait en gros plan. Bonsoir, tout le monde. En gros plan, tu t'es caché encore ou c'est comment? Qui ça? On ne te voit plus quoi. Tu as enlevé ton image. Ah, c'est, on ne me voit pas? Oui, on ne te voit pas. Ah, il a touché. Attends, je vais remettre. Le frère Jean-Marie. Bon? Non, pas encore. Quand ça sera bon, la sœur va en parler. Le frère Jean-Marie, comment tu vas? Oui, ça va mon frère, ça va. Personne ne te voit. Ça va par la grâce de Dieu. Bon, il y a quelqu'un, je n'ai pas encore vu ici, la soeur Ami. Où est-ce qu'elle se trouve? La soeur Ami, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ok, toi, on ne te voit pas. Ok, donc tu es en direct ici. Donc la soeur Ami est en direct ici à Douala. Qui, j'espère qu'il n'ait pas dit. Bon, le frère Tabi veut parler à sa soeur Ami, c'est certainement. Ou bien Oui, on avait parlé, moi et ma soeur. Ok. C'est cela. Voilà. Ma soeur, ça va? Oui, ça va bien. Voilà. On va commencer. On va. Sur WhatsApp. Alors, vous vous voyez sur WhatsApp. Oui. On voit sur WhatsApp. Alors, prenez une ponctuation musicale, autant que les uns et les autres puissent fixer le micro là, d'accord? Ok. Ok. Semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir, quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout en souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Voilà. Ben, j'ai dans la sainteté, le amen, bonsoir. Amen. Amen. Le frère Ali Diarra, tu dis amen à ce cantique-là, n'est-ce pas? Oui, amen. Il faut qu'on prie toujours. Ah. Vous m'entendez? Saint sur saint, on t'entend. Amen. Donc, il faut qu'on prie toujours, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Je suis à votre service ce soir. Je vous dis bonsoir, un bonsoir particulier. Je vous salue de la part de tous les frères qui sont ici et des autres frères qui vous suivent dans le monde entier, qui désirent participer et d'autres ne sont pas de votre pays. Tous me chargent de vous dire bonsoir. Nous avons reçu le bonsoir. Amen. Bonsoir. Je suis à votre service ce soir. J'attends les questions. Le frère Tabi regarde là les cahiers des questions. Depuis la semaine, une semaine, comment vous allez, comment est votre santé spirituelle? Ça va bien, frère. Par la grâce de Dieu, ça va. Non, pour toi, ça pète la forme, quoi. Oui. On peut vous regarder sur WhatsApp que ça va très bien. Le frère Jean-Marie, y a-t-il des questions? Ça fait longtemps. Non, ça va, frère Julien, ça va. Tu as décidé d'avoir... J'ai connecté l'autre jour avec le frère Trabi, le frère Camille. Voilà. C'était avant-hier. Vous avez bien travaillé. Oui. Puisse le Seigneur vous donner cette cohésion-là et que vous soyez toujours fervent d'esprit, vous réunissant les uns les autres, soutenant les uns les autres dans la prière, dans l'exhortation, comme vous le faites. Ne baissez pas les bras. Si vous pouvez être même dans 700 groupes, il faut l'être. Des questions? Frère Junior, moi je voulais savoir entre l'abîme et le séjour des morts. Oui. Est-ce qu'il y a une différence en cela? Proverbe chapitre 15. verset 11. Alors, vous voyez comment c'est un évangéliste là maintenant. Proverbe 15, 11. Vous voyez, il a mis la main sur la joue là, il dit Proverbe 15, 11 directement. Mais il sait. Que notre Seigneur vous bénisse. Donc, quand vous aurez trouvé, amen. C'est ceux de la Suisse qui vont lire. Ce jour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Oui. Le séjour des morts. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Bon. Combien plus les cœurs des fils de l'homme. Alors, le frère Trabi. Oui. Qu'est-ce qu'on dit dans ce verset 11 du chapitre 15 de Luc, des proverbes dont tu as parlé? Ici, il dit le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Mmh. Donc, à ma compréhension, je vois que c'est deux lieux. Voilà. Donc, ça veut dire c'est différent. Puisqu'on dit, on dit son, quand on dit son, ça veut dire c'est les deux endroits différents qu'on en est de parler, n'est-ce pas? Oui, oui. Allons donc dans le Nouveau Testament, fouiller pour voir cela là-bas. Ouvrez 2 Corinthiens chapitre 11 d'abord. De Corinthiens chapitre 11, verset 25, qu'est-ce que ça dit? Trois fois j'ai été battu des verges, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour. Et une nuit dans l'abîme. Oui. Il a passé un jour et une nuit où? Dans l'abîme. Qui parle? L'apôtre Paul. Voilà. Donc il est allé en enfer, il est revenu quoi? Dans l'abîme, là, c'est où alors? On arrive. Tu es pressé, mon frère. On est dans Belgique, dans la sainteté, n'est-ce pas? Oui. Luc chapitre 8. Le frère Ali Diarra. Oui. Il y a des bonnes choses qui arrivent là-dedans. Tes voix, il regarde, tes voix sont restaurées. Tes voix sont restaurées. Amen, amen, amen. Je reçois. Même si je ne reçois pas, ça va seulement restaurer. Quoi. Combien? Luc chapitre 8. D'accord. Dans Luc chapitre 8, il est question de cet homme que Jésus a regardé, rencontré dans les cimetières et qui chaque fois était se métissait et chaque fois qu'on le liait, la Bible déclare qu'il avait plusieurs démons en lui. Lorsque le Seigneur va rencontrer, se confronter cet homme-là, au verset 30 et 31, qu'est-ce que ça dit? Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la Bible. Et où est-ce que Jésus, ces démons, s'ils savaient que Dieu devait les, quoi, Jésus devait les ordonner de partir? Pardon, je n'ai pas saisi la question. Il dit, ces gens-ci, ces groupes de personnes-ci que Jésus a rencontré dans cette personne-ci, demandez à Jésus de ne pas les permettre d'aller où? Dans l'abîme. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que cet endroit-ci, c'est un lieu qui n'est pas favorable à ce que ceux-là, ils vont à ce moment-ci. N'est-ce pas? Oui. Allons dans le livre des... Maintenant, suivez très bien. Vous savez de qui il est question ici maintenant? Des personnes qui sont en train de parler, n'est-ce pas? Oui. Qui sont en train de parler là? Ce sont les démons. Ce sont les démons. Et il demande, il priait Jésus de ne pas les envoyer d'aller dans l'abîme. Donc l'abîme, c'est un lieu où s'ils vont, ils savent que c'est désavantageux pour eux. Mais de l'autre côté, gardez plus sur le bro, c'est le mot abîme. De l'autre côté, on voit que l'apôtre Paul a dit qu'il a passé quoi, 3 jours et 3 nuits dans l'abîme. C'est pour ça qu'il faut, il faut démêler cela maintenant une fois. Deux pierres. La sœur Suzanne Claudel, bonsoir et bienvenue. La sœur Chastelon. Elle est en train de piquer seulement de ce qui tombe de la table de la Belgique. La voilà. Vous la voyez, non? Ah, ça c'est ma sœur, ça. Mm-hmm. Bonsoir, la sœur Carole. Carole de Darmstadt, Madame la Présidente. De Pierre, chapitre 2. Maintenant, parlons des prédicateurs qui vont venir plus tard et qui seront des faux prédicateurs. L'apôtre, après avoir expliqué, mais le livre, la Bible de notre sœur, là, c'est elle vieille. Hein. Bon, je crois que. Wow. Ils n'ont pas coupé les micros parce que le son n'est pas bon. Une interférence. Mm-hmm. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je disais donc que dans la Bible, dans 2 Pierre, chapitre 2, après avoir donné les différentes. Chose que les faux prophètes vont venir, les faux docteurs, ainsi de suite, entrer le sec. L'apôtre Pierre va expliquer au verset 4 que quoi? Verset 4. Car si Dieu n'avait pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Voilà. Donc nous voyons ici abîme maintenant se trouve être dans plusieurs lieux. Donc finalement, il n'y a pas un seul abîme. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Mm-hmm. Oui, très bien. Bon. Très bien, on vous attend. Ok, merci beaucoup. Donc dans ces 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, la Bible déclare qu'à Dieu, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, dans les abîmes des ténèbres, vous voyez. Pourtant, dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 31 qu'on a lu, les démons, enfin, légion, c'est-à-dire cette cohorte démoniaque, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ne nous permet pas d'aller dans l'abîme. Mm-hmm. Et là, il est question des anges qui ont péché et qui ont quitté leur demeure et Dieu les a précipités dans les abîmes. Des ténèbres. Mmh. Allons dans le livre d'Apocalypse maintenant. Chapitre 9. Verset 1 à 11. Qui peut lire à haute voix? Parce que les femmes... Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. Merci. Derrière mon frère. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Verset 1, c'est verset 1. Donc on voit ouais. Effectivement ici que oui. Finalement cet abîme-là, c'est un puits. Et on dit que ça y a une clé. Continuons. Mm-hmm. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Ça veut dire que ce qui est dans cette abîme-là est semblable à du feu qui produit des fumées, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas dit que c'est le feu, on a dit que la fumée qui montait était semblable. Ça pense que ce que nous appelons feu, chaleur ici, c'est un type même de ce qui s'éprouve dans cette abîme-là. Donc on commence à comprendre que les démons avaient peur que Jésus ne leur ordonne d'aller là-bas. Vous voyez cela? Mais vous voyez effectivement que c'est l'abîme ici où ces gens se trouvent, ou dont on est en train de décrire ici, est différent de là où l'apôtre Paul est en train de dire que lui il a été. Parce que Jonas a été exactement dans cet abîme là. N'est-ce pas, frère? Vous m'entendez pas? Maintenant, vous m'entendez? Je crois que le réseau dérange vraiment ici. Vous m'entendez maintenant? Oui. Vous y êtes? Oh mon Dieu. Oui, on essaie. On n'a pas. Le réseau dérange. On n'a pas saisi ce que tu as dit tout de oui, suite. Il faut que le réseau se stabilise parce que la qualité du réseau, c'est écrit sur mon écran, qualité du réseau médiocre. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je crois que ça, elle s'est stabilisée un petit peu maintenant. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Alors, je tente de dire que cet abîme dont nous voyons dans le livre d'Apocalypse, ici au chapitre 9, n'est pas certainement là où l'apôtre Paul en train de dire qu'il y a été. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que ça ne peut pas être, ça ne peut pas être ici. Parce que, et si cet ange descend du ciel, ah oui, cet ange descend du ciel et on voit effectivement que l'ange, la clé lui est donnée. Ça veut dire que c'est un endroit spécifique où il y a le contrôle. Et les anges déchus dans Luc chapitre 8 ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de ne pas les envoyer là-bas. Et la Bible nous a dit dans 2 Corinthiens, enfin 2 Pierre chapitre 2, verset 4, que Dieu a précipité dans les abîmes des ténèbres. Donc ce n'est pas cet abîme-ci. Donc l'abîme-ci du chapitre 9 d'Apocalypse n'est pas ce dont on a lu dans le livre de 2 Pierre chapitre 4, chapitre 2, verset 4. Ce n'est pas le même abîme que nous avons lu dans le livre de Luc, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 25. D'accord? Alors au chapitre 20 d'Apocalypse, je crois que vous pouvez en lire également au chapitre 11 et au chapitre 13 par rapport à la bête qui monte de l'abîme et qui va à la perdition. Vous pouvez lire cela là-bas. Mais alors, chapitre 20. Verset 1 à 3 de chapitre 20 d'Apocalypse. Ok. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon et le serpent ancien qui est le diable et Satan et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. Donc nous voyons effectivement que ici, finalement, l'abîme dont on a vu dans le chapitre 9, où il y avait un ange de l'abîme, ou bien on l'appelle en grec Apollon, ainsi de suite, Abaddon, c'est exactement l'endroit où on va enchaîner Satan pour 1000 ans. Et exactement, c'est considéré comme étant le lieu de la prison, n'est-ce pas? Ça, c'est le lieu de prison. Ici, alors au verset 10, verset 9, 10, voit. Verset 9. Et ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà. Vous voyez effectivement que ici, donc, le diable est d'abord jeté en prison, dans l'abîme. Après, on dit qu'on va le relâcher de l'abîme pour qu'il parte à la perdition pour réunir Gog et Magog. Par la suite, maintenant, on dit effectivement que les faux, le prophète et la bête ont été prises, ils ont été jetés là-bas. Le diable va être jeté maintenant, on nous dit maintenant, dans l'étang des feux. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Et dans Proverbe chapitre 15, verset 11, nous avons lu là-bas que le séjour des morts et quoi et l'abîme sont devant le Seigneur. Et nous voyons effectivement que le séjour des morts sera jeté dans l'étang des feux. Notez Proverbe, chapitre 3, verset 20. Proverbe, chapitre 3, verset 20. Chapitre 8, verset 24. Proverbe, chapitre 3, verset 20. Chapitre 8, verset 24 à 27. Dans ce premier chapitre 8, vous voyez effectivement comment la sagesse personnifiée dit que lorsqu'il traça ce, quoi, le cercle sur la surface de l'abîme. D'accord? Chapitre 27, verset 20. Dans le chapitre 27, verset 20 de ce livre des Proverbes, la Bible déclare qu'il y a le séjour des morts et le, quoi, l'abîme qui ne sont insatiables. Donc ça veut dire que si on va mettre quelque chose dans les abîmes, ou bien dans le séjour de mort, ça ne sera jamais rempli. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un dise qu'avant qu'il n'arrive dans le puits, que le puits sera d'appel, il n'y aura plus d'espace. Il y a assez d'espace pour mettre n'importe quoi dedans. Vous y êtes. Donc vous allez remarquer donc maintenant que dans l'abîme, si vous regardez bien dans la Bible, vous allez voir que des moments dans la Bible, le grand abîme, ou mieux, l'abîme signifie souvent l'endroit. En fait, imaginez un peu que l'océan, si vous avez d'avoguer sur les océans, vous imaginez qu'on sèche l'eau là-bas. Vous allez remarquer qu'il y a des vides là-bas au point où vous aurez des hauteurs comme des montagnes. Parce qu'en réalité, imaginez un peu que les montagnes comme le mont Kilimandjaro que vous voyez, que l'eau a dépassé cela et que les bateaux sont en train d'aller là-bas au-dessus des eaux. Et que l'eau se descend, vous voyez tout le vide qui est en bas. Donc ça dit que l'océan que vous voyez, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan, quoi, la mer Méditerranée et autres là-bas, imaginez que ça se dessèche. Le vide qui est en bas là-bas est appelé dans la Bible abîme. Si vous lisez le livre d'Isaïe au chapitre 2. D'accord, frère? Ou bien au chapitre 44 même. Notez le chapitre 44 d'Isaïe, vous allez le lire là. Shana, elle va bien, la sœur là? Oui, elle va bien. Dans le chapitre 44, verset 27 du livre du prophète Isaïe et le chapitre 51, le verset 10. Donc, dans ces deux passages du livre du prophète Isaïe, particulièrement, ici, l'abîme représente, parce que dans le chapitre 51 d'Isaïe, dont je viens de parler, le verset 10, il parle là-bas du grand abîme, que c'est Dieu qui avait mis à sec le grand abîme. Donc, on voit effectivement qu'il a frayé le chemin dans le grand abîme. Ici, il parle du grand abîme, on appelle le grand abîme comme ce grand vide-là, ce vaste étendue vide qui est sous les eaux. Et dans le livre de Jonas, du prophète Jonas, quand il va sortir des grands poissons, vous pouvez aller là-bas. Allons dans le livre de Jonas, disons chapitre 3 du prophète Jonas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jonas chapitre 2, versets 1 à 6. La sœur Christian et encore bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir. Ne t'inquiète pas, tu n'es jamais en retard. Tu n'es jamais en retard, on vient de commencer. On est seulement à la première question. Ça commence, ma sœur. Jonas chapitre 2, verset 1 à 6. J'attends que nous lisions et puis nous continuons. Je lis. Lève-toi, envoie à Ninive la grande ville et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être vous a-t-il pensé à nous, et nous ne périrons pas. » Amen. La sœur Suzanne bien-aimée, tu viens de lire quel chapitre? Jonas 1. Qu'il a dit alors? Jonas 2. Qui a parlé de Jonas chapitre 1, ma soeur? Non, je crois que pour la lecture, pour connaître l'histoire de Jonas qui nage dans le grand poisson, vous allez lire ça en privé. Mais ici, c'est Jonas chapitre 2, versets 1 à 6. D'accord, ma soeur? Autant pour moi. Allez, on y va alors. Chapitre 2. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. La ville m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Tu continues? Tu as lu jusqu'où, ma sœur? Jusqu'au verset 11. Donc, ça veut dire que tes versets n'ont pas de limites, quoi. Bon, lis-nous le verset 4 et le verset 6. D'accord, ma soeur? Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Voilà. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Voilà. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. La pluie m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Voilà. Amen. Amen. Donc là, le verset 4, nous voyons effectivement que le prophète Jonas disait que tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Donc on voit effectivement que ici, il en est parlé, dans le chapitre là, il parle de qu'il a traversé au point où il a rencontré les racines des montagnes. Donc il est descendu jusqu'au fond. Donc non seulement il est passé par cet abîme qui est physique et qui était au cœur de la mer, mais il est effectivement mort et il est effectivement allé dans l'abîme. Au verset 6. Verset 6 encore, qu'est-ce que ça dit? Verset 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Voilà. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Voilà. Donc vous voyez effectivement. Dans la Bible, donc, vous allez voir effectivement que l'abîme peut désigner et désigne souvent le cœur des mers, c'est-à-dire que le lieu le plus profond, donc, au cœur des mers. Quand vous regardez les émissions de Cousteau, vous allez voir comment dans les profondeurs de la terre, il y a des profondeurs de mers que les hommes ici n'y sont même pas encore entrés. Parce qu'en réalité, si on descend, vous allez voir qu'il y a des montagnes sur lesquelles nous traversons chaque fois, des montagnes telles que vous voyez là. Souvenez-vous que les terres étaient couvertes de montagnes et Dieu a séché pour donner les limites à la terre, à quoi? À la mer. Maintenant, dans la Bible également, le cœur de l'homme est comparé aussi aux abîmes. Parce qu'en fait, le cœur de l'homme est une profondeur, sans fin. Dans le livre des psaumes, ouvrons le livre des psaumes. Que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Thank you. Manuela va bien, ma soeur? Oui, elle va bien par la grâce de Dieu, mon frère. Merci. Et tu vas la faire grandir selon la voix du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Plaise à Dieu. Et Emmanuela, elle se porte bien? Elle se porte bien. Quand elle mange bien, le pays va bien. Amen, amen. Notons le psaume. Psaume 64, verset 7. Notez également Job chapitre 38. Job chapitre 38. Notez d'abord Job 38, verset 30. J'ai dit le psaume 64, le verset 7 du psaume 64. Je crois que c'est mieux que j'arrête ça avant que ça ne nous tire pas loin. On avance rapidement dans la lecture. Dans Job chapitre 38, le verset 30. Le psaume 64. Donc, je parlais donc que les abîmes dans la Bible peuvent désigner le cœur. Donc, allons-y. 64, verset 7, qu'est-ce que ça dit? Il médite des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Amen. Amen. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Donc, alors, ça veut dire que chaque fois dans la Bible, lorsqu'on va voir abîme, il ne faut pas courir pour dire que l'abîme, ça veut dire, c'est l'enfer. Il y a des endroits où l'abîme désigne le sépulcre. Les endroits où ça désigne le cœur de quelqu'un. Les endroits où ça désigne tout simplement les lieux de ténèbres dans les lieux célestes, plutôt au-dessus de nous, où le Seigneur a enchaîné les anges là-bas, les anges déchus. Des endroits encore dans les ténèbres que la terre. Vous prenez la globe terrestre. Tout autour là-bas se trouve dans des abîmes, le grand abîme. Vous êtes maintenant sur la terre, il y a des endroits où on appelle les abîmes qui sont dans les profondeurs de la fosse, d'autres dans la mer. Maintenant, il y a donc le grand abîme où Satan et ses acolytes seront enchaînés là-bas pour 1001. Puis, il y a l'endroit qu'on appelle maintenant la Géhenne. D'accord? Dans le livre de Job, Dieu dit qu'il a créé la surface là-bas, il a enchaîné ça. C'est-à-dire, vous connaissez comment on coule la maison et on dalle le dessus. C'est vraiment un lieu construit. Allons dans le livre de Job là. Job chapitre 38, je crois que je vous ai donné ça tout à l'heure. Job chapitre 38, le verset 30, je crois bien. J'ai parlé de cela, non? Donc, passez du temps dans ce livre de Job au chapitre 38 pour voir les questions que Dieu va poser à Job. Et puis, il va parler de ses profondeurs. Il va poser la question à Job si Job s'est promené dans les profondeurs de l'abîme. Le verset 16 donc, et le verset 38. Quelqu'un peut nous lire? Verset 16 et verset 38. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Où que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Voilà. Et si vous lisez le psaume 33, le verset 7, là il dit effectivement que la surface de l'abîme a été enchaînée. Si vous lisez le psaume 33, le verset 7, je crois qu'il y a un micro qui a bougé là. Si vous lisez le psaume 33, le verset 7, la Bible dit effectivement qu'il a amoncelé les eaux dans des réservoirs. Mais c'est terrible. Il ne dit pas seulement dans les réservoirs, mais dans les réservoirs des abîmes. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Le frère Ali Diarra, tu es avec moi. Je vais vraiment doucement. Il ne parle pas vite, non? J'entends bien, okay. Frère. Amen. Amen. Mm-hmm. On peut continuer maintenant. Donc, mon frère Tabi, ça va avec la question, n'est-ce pas? Oui, ça va. Mais la Bible explique également que sur la terre, il y a des abîmes. Ok. Le psaume, il y a un bruit qui sort d'un micro, je ne sais pas dans quel micro ça sort. Le psaume 71, le verset 20, lisons cela. On va arrêter là-bas parce que si on va aller, on va parcourir toute la Bible. En tout cas, c'est les abîmes des ténèbres qui sont contenus dans l'Apocalypse et dans le livre de Jude là. Et dans 2 Pierre chapitre 2 qui nous intéressent le plus. Je crois que c'est la chair chrétienne. Ce bruit-là vient de chez la sœur Christiane. Son micro est ouvert. Voilà, Somme 71, verset 20. Mais c'est la sœur Reine. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Mais tu nous donneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Oui, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Que Dieu vous bénisse. Du côté de chez du frère Jean-Marie, le micro est ouvert. La réception, oui, ça vient de là-bas maintenant. Il est en train de bouger et puis son micro bouge. Alors, des questions? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, cette histoire de l'abîme là, c'est exactement comme l'histoire de l'âme, ou mieux du cœur dans la Bible. Vous allez remarquer que l'âme dans la Bible peut représenter le souffle, l'âme peut représenter le sang à un moment donné, l'âme peut représenter la personne elle-même, l'âme peut représenter cette partie de l'être qui est une constituante de la personne, c'est-à-dire que une partie de la tridimensionnalité de l'homme. Et à un moment donné, donc, l'âme donc se confond même au cœur, et même à la respiration et au souffle. Donc, il faut disséquer cela dans les Saintes Écritures pour savoir que l'âme ne veut pas dire la même chose chaque fois. C'est donc pour cela que les témoins de Jéhovah ne comprennent pas cela. On dit que l'homme de quelqu'un, comme on a dit dans Genèse chapitre 1, et l'homme devient une âme vivante. Il dit que okay, l'homme, ça veut dire que l'homme c'est une âme. Point. On ne peut pas regarder la Bible seulement comme ça là, et aller tout simplement aller se choper au mur. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir effectivement que la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel, 1 Roi chapitre 17, et dans le livre de Actes chapitre 20, vous allez voir effectivement. Quand l'apôtre Paul va prêcher que ce garçon est Sichus, va tomber depuis le haut du ciel, de l'étage là, l'apôtre Paul va descendre, il va dire que son âme est en lui. Vous voyez, il ne peut pas dire que cet enfant est dans cet enfant. Parce que si quelqu'un certifie que l'âme veut dire cette personne elle-même qui est là, ça veut dire que voici Sichus qui est couché. Mais l'apôtre Paul dit que son âme est encore en lui. Donc ça veut dire qu'il veut dire que son âme peut quitter en lui. Vous voyez cela, l'âme de cette personne est encore à l'intérieur. Maintenant, dans le livre d'un roi chapitre 17, où le cas de cet enfant qui était mort, et on a mis à la chambre haute, on a appelé le prophète Élie, il est venu. Et puis, le cas qui s'est couché sur l'enfant trois fois, il est allé, il s'est promené dans la chambre, il a prié que Seigneur, que l'âme de cet enfant revienne en lui. Donc cet enfant était couché là, mais son âme n'était plus à l'aide. Donc on voit effectivement que si on n'a pas pris la chose au complet pour savoir dans quel cas l'âme signifie la personne, dans quel cas l'âme signifie la personne qui est à l'intérieur, dans quel cas ça signifie son cœur. Oui, il dit que mon âme est triste. Ici, il veut dire que mon âme est triste à l'intérieur. Moi, il veut parler de son cœur là maintenant, que son cœur est triste. C'est parce que vous saisissez. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Des questions? La sœur Suzanne Claudon, tu es sûr que tu n'as pas de questions? Écoute, tu n'as pas de questions à côté là. Frère, il y a une question. Il y a une question que je me suis posée, mais je n'ai pas trouvé de. Comment on appelle? De réponse. En fait, c'est, je regardais comme ça dans l'Ancien Testament, la majorité des prophètes ou la majorité des appelés de Dieu, des rois qui sont arrivés, tout ça, et puis, comment on appelle, eux tous, la majorité ont terminé, ils ont bien commencé, ils ont mal terminé. Je me demandais, mais pourquoi? Tu voulais qu'il termine comment? Quelle est la thèse? Ça me donnait de comprendre comme ça que c'est difficile pour servir le Seigneur. Qui? Oui, par exemple. Qui? Tu dis qui? Les rois, quand on lit par exemple. Comme quel exemple? Par exemple. Je peux prendre quel exemple là. Par exemple, comment on appelle le fils de David là. Salomon, tout ce bon, on n'a pas dit qu'ils ne sont pas sauvés. Ils sont sauvés. Mais c'est de la manière qu'ils finissent, de la manière qu'ils commencent et puis de la manière qu'ils finissent. C'est-à-dire, à chaque fois, ils commencent bien, d'autres commencent bien et d'autres finissent mal. Je me demandais, mais c'est difficile pour servir le Seigneur. Parce que pour rester à observer ses préceptes, à observer ses ordonnances, tout et tout, et puis marcher dans la droite ligne jusqu'à la fin, j'ai conclu que c'est difficile en fait. David a-t-il servi le Seigneur jusqu'à finir à la fin de la même façon? Ouais. David a bien fini? Non. a-t-il servi le Seigneur de façon constante jusqu'à observer toutes ses lois? Quand tu vas me donner ta réponse, on va aller dans un livre. Dès que ta réponse va sortir, on va aller dans un livre, on va vérifier ce que tu dis. Et puis, je vais te poser des questions. Et puis, on va revenir maintenant dans, pour questionner ta question. Bon, quand devant le Seigneur, Dieu dit toujours que David, l'homme selon son cœur, est quelqu'un qui a mis toute sa parole en pratique. Or, on sait que David a couché avec la femme d'Uri, il a tué Uri. Donc, tu dis que tu veux par là dire que Dieu là est injuste. Non, pas ça. C'est-à-dire quoi? Je veux dire simplement que il s'est repenti quand Nathan est venu lui parler de son action, tout et tout. Et il s'est repenti, il a prié, il a jeûné. C'est vrai que l'enfant est mort, tout et tout. Mais. Donc, comme il s'est repenti. Il a été expié, en fait. Comme il s'est repenti, il n'a jamais désobéi au commandement de Dieu. À part le dénombrement. Donc, ça dit qu'il a déjà désobéi. Oui. Donc, il n'a pas observé toutes les lois de Dieu. Mais moi, en fait, c'est la parole du Seigneur le concernant. Il a obéi ou il n'a pas obéi le frère? Il a obéi. Donc, pour le dénouement, c'était le jeu que Dieu nous faisait alors. Il a tué un chef de famille. Tué le chef de famille jusqu'à prendre sa femme. Au point que l'enfant même qui va revenir, le type de Christ sortira par cette femme-là. Qu'est-ce que Dieu nous joue là? Tu veux que tu entends, ce que le Saint-Esprit dit de lui? Non, c'est non, c'est un peu. Ouvre 1 Samuel chapitre 22. Ou bien 2 Samuel chapitre 22, ce serait bon par là-bas. Vous y êtes. 2 Samuel chapitre 22. Lis-nous seulement cela, à partir du verset 1. Lis toi-même. David adressa à l'Éternel des paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Vous avez remarqué que dans le psaume que je vous ai demandé, vous avez lu le psaume 18. C'était ça que vous lisiez, n'est-ce pas? Continuez. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri. Mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et il fut ébranlé parce qu'ils étaient irrités. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Et il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissait les cieux et il descendait. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds. il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres, une tente autour de lui. Il était enveloppé d'un masse d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait, s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tourna des cieux, le Très-Haut fut retenu sa voix, retentit sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mis en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit et me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. À partir du verset 21, maintenant, fais attention, commence à entendre ce qu'il va dire maintenant. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces lois. Verset 24 et 25 enfin. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté, devant ses yeux. Voilà. Et puis on va continuer maintenant avec celui qui tu es pur, tu agis selon ta pureté. Avec celui qui est. Nous voici devant le Seigneur. David avait-il péché, oui ou non? Oui. Oui, il avait péché. Il s'est repenti. Salomon avait péché. Oui. Mais c'est. Et c'est Salomon s'est repenti. Moi, je te pose la question. Salomon s'est pas repenti. Et où est-ce que son péché sera expié comment? Je sais pas. C'est toi qui as ouvert la bouche, tu as dit qu'il était sauvé. Que tu ne parles pas parce que tu sais qu'il était sauvé. Il était sauvé comment alors? Parce qu'il a été remis à ses pères, non? Quand il est mort. Qui t'a dit que les pères ne sont pas dans les abîmes? on a tout simplement dit qu'il était réuni, non? Oui. Ouvre Osée chapitre 1. Je vais te montrer quelque chose. Ah, c'est fort. Quand vous lisez le livre des Nombres au chapitre 20, 21, 22, 23, et vous lisez dans le livre d'Exode où Dieu demande de les détruire, dans Nombres 14, où il demande de les détruire avec le serpent brûlant, et que Balak vient pour le maudire et autres, et Dieu dit qu'il ne trouve point d'iniquité en Israël. Vous pensez qu'il parle de quoi au juste? Qu'est-ce que ça veut dire au juste pour vous? Quand il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël, Donc vous faites la sorcellerie, ne pas marcher parce qu'il n'y a point d'iniquité. Il n'y a pas un sujet pour que Dieu puisse frapper Israël. Pourtant, quand initialement, Dieu dit qu'ils sont un peuple au courroir, il veut même lui-même les détruire. Au point, il demande à ce que Moïse quitte là-bas devant lui pour qu'il détruise et qu'il fasse de Moïse une nation. Alors la question c'est, pourquoi à l'ennemi, il dit d'Israël qu'Israël n'a point d'iniquité? Pourquoi? Allons-y dans le livre qui dit, Osée chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose. Livre du prophète Osée. Lisons versets 1 à 5. Ben, je dis dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Tiens, okay. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jisréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisréel. » Voici un prophète qui a fait près de 90 ans de ministère. Alors je pose la question. Vous connaissez pourquoi le verset 4, regardez encore le verset 4 et puis je vous pose une question. Verset 4. Et l'Éternel dit, appelle-le du nom de Jisréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Alors, c'est quoi Jisréel? Vous avez une idée de ce qu'on appelle ici Jisréel et le pourquoi il le dit ainsi? Belgique dans la sainteté, bonsoir. Jisréel. Si vous ne connaissez pas l'événement de Jisréel, je vais vous faire un bref rappel. On y va, vous voyez ce que ça veut dire et vous voyez pourquoi. Et puis je vous dis ce que je voulais, pourquoi je vous ai amené ici. Vous avez entendu parler dans votre Bible de Jézabel? Exactement. Voilà. Vous vous souvenez que quand Jézabel était au pouvoir, il avait fait tuer un homme et verser son sang, n'est-ce pas, pour prendre son champ et donner à son mari. La botte de Jézreel. C'était où? À Jézreel. La botte de Jézreel, oui. Voilà. C'était à Jézreel. Voilà. Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Oui. Très bien, frère. Et qu'est-ce que le prophète Élie a dit à propos, par rapport à ce qu'il a fait? Ok, merci. Qu'est-ce que le prophète Élie a dit à l'issue du fait que Jézabel a pris les gens en gage et demandé qu'on place les deux personnes qui prononcent des mauvais propos et puis des propos, vous appelez ça quoi vous, des faux témoignages, et puis on a lapidé Naboth afin qu'il puisse être tué. Et le champ là est devenu à son mari. Quand le prophète lui a dit... Quand Dieu a demandé au prophète d'aller suivre Akab qui en est descendu au champ là, qu'est-ce qu'il lui a dit dans sa prophétie? Vous vous souvenez? Son sang devrait verser aussi. À Jézabel. Qu'est-ce qu'il a dit à Jézabel, non? Que quoi, mon frère? Allons-y, lisons. Vous allez me faire passer toute une soirée ici, là, de cette histoire-là. Allons dans le livre d'un roi. Alors. Il a dit que son sang devrait être sous son sang. La loi de les hommes à chacun. Je lui devrais faire quelque chose. Vous y êtes. Le roi chapitre combien? C'est pas toi qui disais tout à l'heure là. Oui, le chapitre. 1 roi chapitre 16 d'abord. Vous y êtes mes frères et sœurs. Oui, frère Junior. Chapitre 16, verset 1, 2 et 3. Et puis on va aller quelque part d'autre. Au chapitre 21. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baasha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour m'irriter par leur péché, voici, je vais balayer Baasha et sa maison. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Voilà. Vous voyez, chaque fois, il va envoyer, Dieu va envoyer quelqu'un nettoyer, faire un nettoyage. Il prophétise ici qu'il va balayer, n'est-ce pas? Alors, au chapitre 21 de ce même livre-là. Chapitre 21. Après ces choses. Non, non, non, c'est bon. Vous allez aller rapidement au verset 17 parce que c'est au niveau de la prophétie de Élie le Tishite que je veux que vous lisez. Verset 17. Verset 17 est suivant. Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie Tishite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël en Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Continue. Continue, ma soeur, jusqu'au verset 29. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Attends, qui en est dit cela? Qui dit qu'il va faire cela? C'est l'Éternel. Qui dit qu'il va faire venir le malheur? C'est le Seigneur lui-même. Continuons. 22. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baasha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézreel. Vous avez entendu ça? Gardez-vous à l'esprit ce qu'on a lu dans le livre d'Osée au chapitre 1. On arrive là maintenant, verset 4 du chapitre 1 d'Osée. Continuons. 24. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. C'est terrible. Il a agi de la même manière, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec un sac et il marchait lentement. On appelle ça quoi? La repentance. Continuons. 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Écoutez, écoutez bien. Le verset, le dernier verset. Le malheur sur sa maison. Chez moi, c'est le dernier verset. Ça commence au chapitre 22. Encore. Voilà. Donc le dernier verset dit que Dieu a dit que ce ne sera pas pendant sa vie qu'il va le faire, n'est-ce pas, ma soeur? Oui. C'est ça. Et Dieu dit que il va faire venir le malheur plutôt pendant la vie de son fils. Qu'est-ce que son fils a fait, mes frères? Seigneur Jésus. Donc, voici quelqu'un qui va hériter le pouvoir, la malédiction l'a prophétisé sur lui, mais il ne connaît pas. C'est ça. Tu me dis tout à l'heure là que certains rois ont commencé bien, commencé, ils ont fini mal. Qui t'a dit qu'ils ont fini mal? Celui-ci qui sort là maintenant comme ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que de faire mal pour que Dieu le punisse? Ce n'est même pas encore. Allons dans deux rois. Gardez-vous à l'esprit le livre d'Osée chapitre 1. Allons dans 2 Rois maintenant, chapitre 10. Prenez le temps de noter chapitre 9 et chapitre 10, d'accord? Mais on va se spécifier particulièrement au chapitre 10. Ça va nous intéresser. Et puis on va rentrer dans Osée pour lire ce qui est. Vous allez voir de qui il est question, c'est Dieu dont nous parlons. Le frère Jean-Marie, il est là. Ces gens-ci qui se cachent derrière les micros, on ne voit pas. S'ils dorment, on ne sait pas s'ils ont dormi. Donc, il ne veut pas mettre l'image. Je crois que désormais, moi également, je ne mettrai pas d'image. Vous ne me verrez pas comme ça. Si je peux prêcher en mangeant, je prêche en mangeant tranquillement. Alors, il tente de dire quel livre là? 2 Rois chapitre 10. Voilà. 2 Rois chapitre 10. Allons dans 2 Rois chapitre 10. J'espère que vous n'êtes pas en train d'oublier. C'est à cause de Jisraël. C'est à cause de Jisraël que nous sommes allés ici. Et nous avons vu ce qui s'est passé à Jisraël, n'est-ce pas? Nous avons vu comment il a prophétisé ses Baïcha, comment il va balayer. Ici, Naboth a été tué dans ce champ là-bas à Jisraël. Et une prophétie est sortie que Jézabel, on va lécher son sang, champ là-bas, son sang également là-bas, comme il a versé le sang de Naboth là-bas. Les chiens vont lécher son sang là-bas. Allons dans le livre des rois, chapitre 9, d'abord commençons au chapitre 9, verset 29 et suivant. Et puis on va aller au chapitre 10. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Joram, c'est qui? Joram, c'est fils d'Akab. Fils d'Akab. Celui dont on veut prophétiser que Akab va mourir tranquillement, celui qui va hériter le malheur, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Lisons. Verset 30. J'ai entré dans Jisraël. Où ça? Dans Jisraël. Allons-y. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? On doit parler de rouge à lèvres, je ne sais pas de ça, donc on passe ça rapidement, continuons. 32. Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui est deux ou En s'approchant de la fenêtre, il dit, j'étais là en bas. La sœur reine, courage, d'accord. Il fallait que notre sœur se réveille, d'accord. Petit à petit, sentez la baisse. Il y a d'autres qui dorment dans le truc là-bas. Continuons, ma sœur. Il dit, j'étais là en bas. Et il la jetait et il réjaillit de son sang sur la muraille. Et sur les chevaux, Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra et mangea et but et il dit, allez voir cette maudite et Akab, elle est fille de roi. Ils allaient pour l'enterrer, mais ils ne trouvaient mais ils ne trouvaient d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournaient l'annoncer à Jéhu qui dit, c'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jisraël. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jisraël, de sorte qu'on ne pourra dire c'est Jézabel. Amen. Alors, hein, regardez-moi bien dans les yeux et puis je vais vous parler. Qui a prophétisé ce qui va arriver à Jisraël? Le prophète Élie. Qui a accompli cela? Jéhu. Oui. C'est Jéhu qui a accompli. Qui a envoyé Jéhu? Parce qu'en fait, il y a un personnage là qu'on appelle Jéhu qui est en train de juger. Si vous lisez, le remplaçant d'Élie va où est de Jéhu. Il va envoyer quelqu'un là-bas qui va où est de quoi? Tel roi, un de Jéhu. Telle personne qui va esquiver tel roi, Jéhu va le prendre par son épée. Donc vous voyez effectivement que Dieu a où est des gens pour le jugement, pour faire accomplir les prophéties, n'est-ce pas? Oui. On arrive. Chapitre 10 maintenant. Vous êtes prêts? Mm-hmm. Ok. On peut y aller? Oui. Verset 28 jusqu'au verset 38. Jusqu'au verset 35. Allons-y. Chapitre 10. Donc prenez le temps, votre temps de lire bien deux rois. Vous allez entendre. Là, je crois que la sœur nous dit clairement que Béjé dans la sainteté aujourd'hui, il faut qu'on finisse rapidement, puis qu'on se repose. Elle est fatiguée toute la journée. Allons-y. Tu dis chapitre. Non, je crois que laissons la sœur lire. Comme ça, elle sera obligée de lire avec ses yeux. Elle sera obligée de lire avec ses yeux. C'est ça. J'ai eu dit à celui qui avait la garde du vestiaire. 28. Non. Chapitre 2 Rois, chapitre 10, verset 28 à 35. Ou 38, il avait dit. À 35. 35, oui. J'ai exterminé Baal du milieu d'Israël, mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. Qui avait fait pécher Israël? Qui avait fait pécher Israël? Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Nous avons dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'achat tout ce qui était conforme à ma volonté, les fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Pourquoi Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se déplora point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël. Et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites, les Manassites, depuis Aurer, sur le torrent de l'Arnon, jusqu'à Galaad et à Bassan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachas régna à sa place. Alors, donc, vous voyez qu'au chapitre 9, verset 1, Élisée le prophète va envoyer l'un de ses prophètes et va lui dire, du Saint-Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une des chambres. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras ainsi par l'Éternel, tu es tout un roi d'Israël. Vous voyez, ça sort au chapitre 9. Ici, au chapitre 10, la Bible déclare qu'au verset 30 que l'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui est conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Si vous lisez 2 Rois, chapitre 15, verset 12, ça va s'accomplir là-bas lorsque ça, le fils de Zacharie va s'asseoir sur son trône. Donc, jusqu'à la quatrième génération, dans le livre des 2 Rois, chapitre 15, verset 12. Et vous prenez les décomptes dans 2 Rois, chapitre 14, verset 29, pour voir son fils, donc il lui donne les questions là-bas. Alors, Dieu lui fait la promesse à cause de cela, du fait qu'il a tué la carte, comme il a dit. Maintenant, regardez, verset 31. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. L'une des choses les plus terribles ici, c'est que dans le chapitre 9, on va lui dire clairement que c'est pourquoi, voici le pourquoi on te oint roi, parce que Jéroboam a fait telle ou telle chose. Mm-hmm. Et ton but, c'est d'exécuter, ce qu'on dit que toutefois, il n'a pas fait cela. Maintenant, allons-y dans le chapitre 1 maintenant de Osée, donc on nous a lu Osée chapitre 1 maintenant, et le verset 4. Lisons encore cela, et puis je vais poser la question que je voulais poser. Ça va, mon frère? Mm-hmm. Que Dieu vous bénisse. Amen. Passer le temps dans la lecture, c'est passionnant. Je reconnais que c'est un casse-tête chinois. Mm-hmm. Passer le temps dans les écritures. Si ça fait habiter en vous, ça va vous amener dans tous les sens. Vous pouvez nager partout dans l'univers de la parole. Nous sommes dans l'Ude Osée, au chapitre 1. Lisons maintenant le verset 4 tout simplement. C'est la sœur qui lit toujours. Frère, Dieu l'a appelé. Qu'il vienne de loin encore. Amen, mon frère. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Et qui continue à œuvrer au travers de toi comme il le fait maintenant. Osée chapitre 1, verset 4. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Stop, là-bas. Je mettrai tout. Attends, doucement. Donc, pourquoi vous riez là maintenant alors? Vous voyez que comme je vous ai baladé, maintenant vous avez compris que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous voyez que si vous lisez le livre de Osée, vous continuez seulement à lire, vous n'allez pas savoir que quelque chose ne va pas au verset 4. Mm-hmm. Voici quelqu'un que Dieu, dans le 2 Rois chapitre 9, Dieu envoie un prophète aller oindre un roi pour lui dire qu'il va marcher selon, il va juger la maison de Jérusalem, il va frapper tous ceux qui ont fait l'idolâtrie. Et nous avons vu au chapitre 10, verset 30, comment il le félicite parce qu'il a fait tout ce qui est conforme à sa volonté. Dans Osée, il dit qu'il va juger, va frapper la maison de qui? Pourquoi vous riez, frère? Avec tout ce boulot, il va frapper encore la maison de Jéhu. Qu'est-ce que Jéhu a fait? Jéhu a volonté. Attends. Voici, Jéhu, ou bien c'est le côté où Jéhu a fait ce que Jéroboam a fait. Non, on n'a pas dit puisque... ça. Dans Osée, on a dit à cause du sang versé. Relis encore ça, relis ce qui est écrit là-bas. N'essaie pas de contourner les écritures. J'ai eu le sang qu'il a versé, c'est la volonté parfaite de Dieu qui l'a accompli. C'est Dieu qui lui a donné l'ordre d'aller faire. On ne dit pas non. Maintenant, explique-nous, Osée chapitre 1, verset 4. Pourquoi il le frappe là? C'est sa justice, tout simplement. Pourquoi il le frappe? Pourtant, c'est lui qui l'a envoyé. C'est ok, sa justice. Maintenant, donc, je reviens donc à ce que tu as dit. C'est toi qui m'as fait aller là-bas. Tu as constaté que les rois, c'est un roi. Et c'est toi qui as souhaité qui? J'ai eu, n'est-ce pas? Alors, je suis allé dans ce livre-là pour te montrer qu'il faut faire attention. Parce que l'appréhension humaine n'est pas l'appréhension de Dieu. C'est ça. Dieu, là, il faut que moi, il le connaisse encore. Ah, ça. Pas appel est trop fort. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand il est en train de traiter ces choses avec ses oins, faut même pas te mêler, quoi. Tu vois? Il a félicité parce qu'il a donné le grade que dans 4 générations tes enfants seront assis sur le trône. Non, que non, tu as bien fait conforme à sa volonté. Tu as traité la maison d'Akab. C'est pas ça? C'est ça. On dit qu'il a fait tout ce qui est conforme à sa volonté. Donc il a tué bien la maison d'Akab comme le prophète a dit. Pas vrai? Oui. Mais on dit qu'il va frapper aussi sa famille à cause du sang là qu'il a versé. Oui. Et on a bien spécifié pour que quelqu'un ne confonde pas en disant que peut-être dans sa vie il a fait autre chose. On dit qu'à cause du sang versé où ça, frère? À Jisraël. Lorsque c'est vraiment dont on parle. Alors, il faut faire attention avec le Dieu que nous servons. Il faut faire attention avec ce qui nous parle. C'est comme ici, il n'a jamais lu la Bible là-même. Non, ne lis pas, mon frère. Tu vas dire sauf que. Alors, vous voyez, dans le livre de Genèse, vous allez voir qu'à l'issue, Dieu dit par exemple au chapitre 6, la Bible déclare qu'il a vu tous les jours que le cœur des hommes se tournait toujours vers le mal. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais David déclare que Noé trouva grâce devant l'Éternel. Dieu a dit maintenant que la destruction de toute chair est arrêtée devant moi. Mais toi, fais-toi un arche. C'est Dieu qui lui donne la solution. Dieu lui donne les mesures au-delà. Il dit comment il va faire jusqu'à ce qu'il fait. Lorsque l'eau finit, le déluge vient, ça nettoie tout le monde. Lorsque Noé sort, quelle est la première chose qu'il fait, frère? Il fait le vin, un champ de la vigne. Et il fait comment? Il s'essuie, il met bien dedans. Il s'enivre. Il s'enivre bien et tout bon. Ok. Donc vous voyez. Après, c'est l'insecte, on connaît la suite. Voilà. Donc maintenant, si vous ne savez pas lire la Bible, vous allez voir qu'on a un problème ici. Alors, vous voyez que Noé pouvait s'enivrer, mais le prophète n'était pas enivré. Parce que le Noé qui était enivré, c'était pour prophétiser, c'était pour que le prophète Noé puisse prophétiser. Parce qu'il fallait donner dans la suite des temps la continuation des lignées sur la terre et les conséquences des uns et des autres selon les générations. Vous voyez que si vous voyez cela, vous ne comprenez pas ce que Dieu a en effet, vous allez dire, mince, voici un prophète qui est sous là. Enfin, le livre d'Osée que nous prenons là, effectivement, vous voyez effectivement que il va prendre va prendre une femme de prostituée. Accouche la femme, le nom de. Il a pris la fille Gomer, puis il dit que donne le nom l'eau à Shama, parce que Israël n'est plus mon peuple. Après, il dit qu'elle enfanta encore un fils, il donne le nom de Jisraël. Ouais, un enfant qui naît, on lui donne le nom de Jisraël. D'un endroit, on verse le sang. Donc, il va grandir. Cet enfant, c'est né comment? L'enfant de prostituée par un prophète. Donc, si vous regardez le prophète, vous dites non, le prophète, lui, il a dit des péchés. Oh, oh, oh, c'est vous qui péchez, c'est pas Dieu qui. Il n'est pas de péché devant le Seigneur. Alors, voilà, Noé, vous pouvez le considérer en tant que Noé, en tant qu'homme. Vous pouvez le considérer comme pécheur, mais le prophète lui ne pêche pas. Mais frère, est-ce que c'est pas sur cette base-là que. Ben, comment ça s'applique? Voilà la question. Mm-hmm. Comment ça s'applique dans la Nouvelle Alliance? Dans la Nouvelle Alliance, frère, oui. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ça que la Nouvelle Alliance dit. Mais sur cette base-là. Hein, oui, mais sur cette base-là. Parce que c'est ce qui a fait la fois dernière notre confrontation avec les gens là. De Nanaou, Nadjo, Ils disaient que sous cette base-là, ils peuvent faire n'importe quoi. Tu as remarqué que sur la base, Osée qui a pris les prostituées, sur cette base-là, tous les prophètes n'ont pas pris les femmes de prostituées. N'est-ce pas, mon frère? Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas une récurrence, une suite numérique récurrente. Alors, tu vois effectivement que la raison ici, c'est la prostitution, mais ça ne se répète pas. Si tu prends le cas de Noé, personne n'a plus jamais répété ça, n'est-ce pas? Donc, si tu prends ça dans les écritures, tu commences à vouloir implémenter, tu en es vouloir profiter. C'est toi qui construis l'avenir des gens. Ici, Osée restait tranquille. Dieu lui a dit d'aller le faire parce qu'il va faire cette ou telle chose. D'accord? Mais si quelqu'un se dit maintenant qu'on peut vivre, ça c'est son problème. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, verset 13 que oui, nous avons été rachetés pour la liberté, mais qu'on ne prenne ça pas cette liberté comme un voile, un prétexte pour vivre selon la chair, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça devait se comprendre. La vie selon la chair, c'est la vie selon la chair. La vie de l'esprit, c'est la vie de l'esprit. L'esprit ne pourra pas conduire les gens dans les déchets de la chair. L'esprit conduira les gens dans la sainteté. Donc si quelqu'un dit que le péché, c'est la nourriture de la chair, c'est un mort vivant. Voilà. Des questions? On dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Les sacrifices qu'on venait offrir dans l'ancien alliance ne devaient pas avoir de défauts. Parce qu'on venait offrir à un Dieu vivant qui est esprit. Mais le sacrifice était physique, mais ça ne devait pas avoir de défauts pour se présenter devant lui. La Bible déclare donc que si notre culte lance d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant saint. Le mot c'est saint. On doit offrir ça saint. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc le corps doit être saint. Que celui qui vous a appelé vous garde saint. Le corps, âme et esprit irrépréhensible. Donc le corps doit être irrépréhensible. L'esprit doit être irrépréhensible. L'âme doit être irrépréhensible à la venue du Seigneur Jésus. On doit marcher dans ce monde en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation des grands dieux de notre Sauveur Jésus-Christ. On doit marcher ici là en s'abstenant des souillures du monde. De la mondanité. On doit s'abstenir. S'abstenir, ça veut dire qu'on ne fait pas. Vous voyez cela? Donc, si quelqu'un dit le contraire, c'est la sorcellerie qui t'a dit d'enseigner là. Amen. Des questions? Ben, j'ai dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Jésus. Bonsoir. Frère Ali, tu n'as pas de questions? Frère Ali, tu n'as pas de questions? Avec cette brèche qui est ouverte là, ça me pousse à poser cette question de savoir. Le chrétien devant l'alcool. Tu bois, frère? Frère, oui. Oui, tu bois, non? Oui. Tu es chrétien? Oui. Tu bois l'alcool? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est de la débauche. Tu manges le porc, frère? Oui. Tu manges le serpent? Oui. Tu manges le cafard, frère? Non. Que le Seigneur te bénisse. Bon appétit. Merci. La sœur, ne t'inquiète pas, dans quelques jours, tu vas en manger ici au Cameroun. Plaise au Seigneur, d'accord? Et en ce temps, ça sera un retouche. La sœur amie se trouvera de l'autre côté du rideau. Toi, tu se trouveras ici, d'accord? Des questions? Moi, j'ai une question, comment on appelle, frère Junior? Oui. Parce que d'abord, le docteur dit le vin, c'est bien pour prendre un verre quand tu manges, pour la santé. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, un chrétien, il peut boire ou il ne peut pas boire? Bonne question, il peut. Est-ce qu'il doit boire? Est-ce qu'il t'a dit que ça le dérange, mon frère? Laisse le frère Ali poser sa question. Frère Ali, tu as compris ce qu'il dit? J'ai compris. Tu as bien compris? Oui. Un chrétien peut-tu tuer? Non. Tu es sûr? Tu es sûr que si tu mets le couteau sur ton ventre, ça ne doit pas entrer, frère? Bien sûr. Ok. Bon, on va revenir sur les citations des docteurs, d'accord? Comme le docteur a conseillé comme ça pour qu'on puisse bien vivre en santé là, l'être humain le plus grand ici vit jusqu'à quel âge? L'être humain le plus âgé sur la terre actuellement à quel âge? Ou bien quelle est l'espérance de vie, l'espérance moyenne de vie sur la terre? Ah mais il y a des gens qui dépassent, hein? Non, Selon les écritures, frère. Non, il est sur la terre actuellement. Combien de gens, est-ce que les gens vivent? Il y a quelqu'un qui a vécu 300 ans, vous avez vu? Non. Ok. Vous connaissez Mathusalem? Oui. Il avait quel âge? Il avait 900, attendez. Cherchez le temps, vous avez du temps, il n'y a pas de problème maintenant, il faut s'occuper pas ici. La sœur, ne t'inquiète pas, je t'aime, même si tu dors, d'accord? Je connais une là qui, si on prend jusqu'au matin, ça lui plaît, c'est la sœur Caro, elle est là, calme dans son corps sur sa chaise là. Petit frère. Merci Genèse chapitre 5, verset 25. 961. Il a eu. Comment 187. Vraiment, hein? Il m'a dit que j'avais vécu. Après la messe, il m'a dit 969 ans, donc voilà l'homme le plus âgé de la Bible, d'accord? Oui. Voilà. De Mathusalem fut de 969 ans, puis qu'il mourut. Voilà, non, c'est bon. Donc, ça veut dire que l'homme le plus âgé de la Bible, avec quel âge? 969 ans. La première vigne, le premier sous-là, c'est qui? Noé. Donc, ce que vous venez de lire, c'est au chapitre de combien sur Mathusalem? Mathusalem, chapitre 5. Et puis, le chapitre 5. Voilà. Et celui qui commence à saouler vient au chapitre? Noé. Chapitre 9, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Donc, ça veut dire qu'avant le chapitre 9 de Genèse, on ne parlait pas de vin de la corne, n'est-ce pas, mes soeurs? Oui, oui. Je vais donc que le docteur m'explique pourquoi ceux-ci qui ne buvaient pas d'alcool vivaient aussi longtemps. S'il faut, pour une bonne santé, s'il faut boire un verre d'alcool, expliquez-moi à ce que vous allez manger pour voir, buvez pour voir vivre 969 ans. Et que les gens, malgré que les bons vins, les vins de Bordeaux, vins de la maison Châtillé de 1968, malgré qu'ils boivent cela, où ils s'écoutent ça dans le verre comme ça, là, la Bible de Calais ne regarde pas le vin d'un bon rouge, il finit par mordre comme de venin, n'est-ce pas? Mm-hmm. Pour qu'il ait ha, pour qu'il ait les yeux rouges. Mm-hmm. Ne t'attarde pas à côté de brûler un verre, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais la Bible déclare que le vin la réjouit le cœur de l'homme. Vous avez vu un verset qui dit que ça réjouit le cœur de Dieu, frère? Non. Le cœur de l'homme est déjà quoi déjà dans Jérémie chapitre 17? Le cœur de l'homme est tortueux. Donc ça veut dire que quand c'est tortueux, alors à un moment donné, ça réjouit le cœur de l'homme avec l'alcool, n'est-ce pas, frère? Mais il y a un passage qui dit de donner l'alcool à l'insensé. Laisse d'abord le problème de l'autre pour donner à l'autre. C'est pour toi-même d'abord qu'on en parle. On va finir, on va appeler ce qu'il faut donner à quelqu'un. Ça, c'est vrai. Mm-hmm. Même si tu ne donnes pas l'alcool à celui qui va périr, il va toujours périr. C'est ça. Mm-hmm. Donc, frère, vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Oui, mais frère, il y a certains... qui parlent qu'ils savent se contrôler ou ils peuvent pas, comment on appelle, se saouler, tout ça, parce que il a parlé d'enivrer. Mm-hmm. Ne vous enivrez pas de vin dans chose. Éphésiens chapitre 5, 18. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on s'enivre? On s'enivre en buvant toute une quantité une fois, mon frère? Non, en continuant. Donc, en excédant. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est mauvais. C'est à quel moment c'est mauvais? C'est mauvais depuis le départ ou depuis quand c'est fini que c'est mauvais? C'est depuis le début que c'est mauvais. Savez-vous que les médicaments que vous buvez là sont du poison? Tous les médicaments que vous buvez, c'est le poison. Au sens propre de l'anglais, on appelle poison. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous savez qu'en médecine, ce que vous appelez médicament, c'est poison. Ah, comment vous me regardez comme ça là? Je crois que il y a une médecin ici, vous me dites le nom. C'est pas ça? C'est ça, frère, c'est vrai. Donc, en réalité, ce que vous prenez pour vous soigner, c'est le poison. En tout cas, prenez un exemple. Quand le sépan vous mord, on vous injecte quoi? C'est le venin de sépan même qui nous soigne en quoi? Voilà, tu as bien compris là quoi. Ça veut dire que ce qui te soigne là, c'est la mauvaise chose qu'on a pris dans la mauvaise chose pour te mettre à l'intérieur du corps. En réalité, ils font ces choses là parce que ton corps a le système de défense que Dieu lui a de façon immuable mise. Vous avez déjà vu un chien qui marche pour aller à l'hôpital, frère? Jamais. N'est-ce pas les hommes qui les attrapent là-bas comme ils ont des euros à dépenser? Ou tu entends que c'est quelqu'un a amené sa caniche et l'a opéré à 110 000 euros? C'est pas eux qui dépensent l'argent sur les chiens. Les chiens ont déjà eu des problèmes de l'hôpital. Jamais. Vous avez vu le pot en train d'aller à l'hôpital? N'est-ce pas, ils dorment dans la boue chaque fois, ils jouent dans la boue. C'est ça. Avez-vous remarqué que les poules, quand elles sont malades, elles partent et cueillent les herbes et mangent? Mm-hmm. Et elles se rétablissent, même les chats, pas vrai? Mm-hmm. Alors maintenant, ça veut dire en réalité, Dieu a mis le système immunitaire de l'homme afin que ça s'auto-régularise en réalité. Lorsque les médecins, tout ce qu'ils racontent là-bas, ce sont les histoires. Tous les grands médecins doivent savoir cela et ils savent que c'est le mensonge qu'ils font. En fait, ils mettent tout simplement une propriété dans le corps, un petit dosage, pour que le corps puisse se familiariser avec cet élément-là qu'on a introduit dans le corps et qu'il connaisse et reconnaisse ce corps-là. Ce corps-là comme un anti, il prend ça comme un anticorps pour pouvoir combattre ce qui va arriver en corps. C'est donc pour cela qu'ils prennent le venin de serpent pour faire l'anti-venin. N'est-ce pas la sœur? Les vaccins contre les bactéries, les vaccins contre les bactéries sont les bactéries qu'on a cultivées, n'est-ce pas? Exactement. On ingère dans notre corps. Donc ça veut dire que c'est les poisons qu'on met dans notre corps pour que les poisons nous défendent. Vous voyez, là, on se trouve avec l'humanité, non? Ah ouais. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ceci veut dire que si vous introduisez quelque chose en vous, vous dites que non, non, c'est ce qui me garde. Vous allez vous tromper parce que Dieu a fait des enseignements. Si vous regardez dans la nature, vous allez savoir que la nature devait nous enseigner à comprendre que Dieu a fait des choses que ça se régularise. Même si un médecin vient vous dire que les moteurs doivent être vidangés, les horizons doivent être vidangés. Oui, pour les moteurs, c'est vrai parce que c'est les hommes qui ont fabriqué. Dieu a fait le corps, le système immunitaire. Votre peau, quand vous lavez, il y a les épidèmes qui se voient, les cellules se renouvellent, la peau quitte. Vous taillez vos ongles, ça continue à pousser. Pourtant, il n'y a pas un endroit où il y a l'ongle quelque part qui est logé. Vous taillez vos cheveux. Si vous scalpez, vous n'allez pas voir là où il y a la racine des cheveux. Mais pourtant, les cheveux poussent chaque fois quand vous vous coiffez. C'est parce que vous saisissez. Dieu a fait tout ça. Donc, les voitures, les vidanges, c'est normal. Le corps se vidange automatiquement. Merci. Il suffit seulement d'être conforme avec le Créateur. Mais le problème, c'est que lorsqu'on commence à faire des choses contre nature, la nature commence à jouer contre nous parce que les lois de Dieu, s'il y a une action, il doit avoir une réaction de cette nature-là, proportionnellement à l'action que nous avons commise. C'est ça le vrai problème. Donc, l'humanité est en train de créer des choses contre nature et la nature est en train de, les lois de la nature sont en train d'aller contre cela en reproduisant les réactions contre pour pouvoir stabiliser les choses, faire que les choses soient dans l'état standard. Donc, l'homme est en train de créer les propres choses qui vont la détruire plus tard. Vous voyez? Seulement les plastiques, comme vous voyez les choses qu'on injecte sur le corps là, seulement les plastiques qu'on utilise, le plastique pour pouvoir incinérer ça, il ne peut pas détruire ça. Pendant presque 7000 ans, cette chose-là sera là-bas pour polluer la nature. Seulement ça. On est où là? Oui. Comme tu étais en train de partir comme ça, je me rappelle qu'après l'accouchement, le médecin m'avait demandé, je suis allée faire le retour de contrôle et ils m'ont dit qu'il y a une gynécologue qui me dit que si je dois prendre la pilule, elle m'a proposé la pilule. Je lui ai dit non, que c'est contre mes croyances. Contre ma croyance, elle me dit que mais comment tu vas faire alors pour contrôler? Pour contrôler quoi? Si on avait contrôlé, ça n'a pas eu de sortir là-bas. Ma soeur, on n'est pas fait autrement avec ces gens-là parce qu'ils n'ont pas ils n'ont de Dieu que la science. En réalité, quand vous allez à l'hôpital, ils veulent faire des expériences sur les gens par rapport à ce qu'ils ont découvert. C'est pour ça qu'ils essaient de conseiller ça aux gens pour montrer que c'est bien haut de là-bas. Ils n'ont pas de pilule durable pour les femmes. Non, non, non, ne faites pas la douleur. Votre Bible dit que vous faites la douleur quoi? Tu peux passer la douleur. La science a évolué, le monde a évolué, ne pleure plus de douleur. Autant de choses. Oui. Non, je lui ai dit que non, c'est contre la croyance que bon, ces choses-là ne peuvent pas entrer dans mon corps. Quoi. Et moi, je donne aussi travail à cause de vous. Comment ma soeur reine? Mon père donne aussi travail à cause de vous. Nous, on va manger quoi. Vous n'allez pas perdre votre travail. Dans cette même optique là, j'ai compris qu'il y a, il doit pas avoir, donc il y a pas sage homme. Si tu en as oui. Vu, si tu en as la vue, parle-nous. Oui, les gens qui font accoucher des femmes. Ça règne maintenant dans les hommes qui s'impliquent, non? Des gynécologues. Des gynécologues qui se jouent les sages hommes. Mais regarde, regardez, ça dit ça, c'est pas le travail de l'homme. On peut continuer? Ça. Oui. Voilà. Alors, Jéhu a tué, on a demandé à Jéhu, on va demander à sa descendance. Remarquez bien que dans ce livre de Osée au chapitre 1, Jéhu n'est même plus là. Ce sont les habitants de l'endroit qu'on appelle Israël, ces descendants qu'on va les traiter. On va les traiter. Quand Dieu va commencer à frapper, on va dire, mais qu'est-ce qui arrive ici? Si un juif prie, Dieu révèle, il va dire que c'est à cause du sang qui était versé ici, au temps de Jéhu. On va dire que le sang qui était versé ici, au temps de Jéhu, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a des problèmes, avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, Amen. Il y a tant de questions. Mais moi j'ai une question encore. Voilà, il y a tant de questions. Oui, il y a quelqu'un qui veut poser une question. Non, tu as des questions. Change pas ici. Moi, ce que j'aimerais comprendre, quoi, est-ce que l'homme peut comprendre Dieu? Mon frère. Tu m'entends? Il t'entend 5 sur 5, je vais te répondre, je peux? Oui. Est-ce que toi, tu te connais? Hein? Tu te connais, tu connais qui tu es? Non. Bon, Dieu, tu le vois? Non. Si tu ne connais même pas toi qui tu vois là, comment tu peux voir quelqu'un, comment essayer de comprendre quelqu'un que tu ne vois pas? Mais pourquoi il nous dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Mm-hmm. C'est ça, non? Quand tu trouves quelqu'un, ça se pose que tu le connais. Si tu égales un téléphone, tu trouves un téléphone là-bas, tu connais tous les outils téléphoniques qu'il y a là-bas, tu connais qu'il y a le tenta dans le téléphone, tu connais tous les magasins. En tout cas, vraiment. Que Dieu te bénisse. Tu dis que Dieu te bénisse. Chacun va avoir l'aspect que Dieu va lui présenter. Remarquez dans ce livre des 2 Samuel, chapitre 22 que nous avons lu tout à l'heure là, la Bible déclare que des fumées, des flammes de feu sortaient de ses narines. N'est-ce pas? Il planait sur les ailes du vent. Il était monté sur le chérubin. Vous regardez ce que le prophète David en train de dire là maintenant dans les prophéties en parlant des rochers d'Israël qui va venir là avec ces chérubins là. Il dit que les charbons de feu sortaient. On l'a parlé de ses yeux et de ses narines. Les narines de Dieu avaient quelle grandeur? Donc, le chérubin avec quelle grandeur pour qu'il monte sur le chérubin. Dieu qui est grand dans l'univers ne peut même pas contenir. Donc, on a des choses, on a des problèmes. Il est tendu, sa main, il me saisit. Il me met au large. C'est ce que le prophète David a dit là-bas, n'est-ce pas? Sa main, on dit que l'univers est dans ses mains. Donc, c'est que l'univers, tout l'univers est dans ses mains. Mais il tend sa main là pour porter la tête de David. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment des compréhensions. Que Dieu nous bénisse vraiment. Amen. Des questions? Je crois que dans un autre groupe des médecins, on va parler de ces choses de la médecine si profondément avec la parole du Seigneur. Il y a une femme qui est en train de nous écouter là, c'est pas ici dans ce groupe, je suis en train de le voir. Je crois que cette femme, ça a des problèmes. Ça, c'est le sang. Donc, ça, c'est le problème du cycle. Bon, je crois que dans un autre groupe, on va pêcher cette femme là. Elle n'est pas dans aucun des groupes, mais c'est elle est d'écouter en différé. Son sang, en écoutant la voix là, ça doit s'arrêter. Il y a un sang qui en a découlé, ça doit s'arrêter. Oui, frère, posez des questions. Frère Lydia, tu n'as pas d'exhortation à nous donner ce soir? Moi, en tout cas, souvent quand je médite la Bible, après je ferme la Bible et m'assois. Tu restes, tu dis yes. Au fur et à la mesure, il est profond. Je sens souvent un amour venu. Ça me plaît comme ça parce que je trouve que c'est un guéri. Chez moi, c'est un guéri. Il est insaisissable. Il est insaisissable. Quand tu réfléchis en lui vraiment, tu l'aimes encore. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas le cerner. Amen. Alors, comme lui-même l'a dit, c'est ça qui me plaît sur lui. C'est pas un Dieu qui parle. Qui gratte sa tête, non, il parle avec assurance. C'est vrai que tu comprends, papa. Je comprends bien. Papa, frère Junior. Voilà, c'est pas un Dieu qui parle. Tu comprends déjà quand il dit gratter sa tête. Tu comprends un peu. Voilà, ça dit, c'est pas un Dieu qui parle. Il ne réfléchit pas, quoi. Hein? Il ne réfléchit pas avant de parler, quoi. Il parle, c'est plus ça. Que le mot réfléchit. Et puis tout ce qu'il dit, c'est ça. C'est ça. Ça peut te dire à toi de prendre ou laisser. Ou il te dit que le créateur de porcelaine, est-ce qu'il peut dire à celui qui le crée, pourquoi tu m'as donné telle forme? Quand tu entends comme ça, tu fermes la Bible, tu déposes tranquille, tu dis que va pas. Voilà. Cela veut dire, en un mot, ce que moi j'ai compris, c'est-à-dire avec ce Dieu, il faut faire toujours une prière de supplication, quoi. Grâce, papa. Aie pitié de moi, ne me laisse pas tomber. Je suis rien sans toi. Ça dit, il aime sa gloire. C'est pourquoi il dit, ne partage pas ça avec quelqu'un. Donc, en réalité, en contemplant l'immensité de Dieu, sa grandeur, on se rend tout simplement compte qu'on est pitié au-devant de lui, qu'on ne peut même pas lever les yeux. Voilà. Ça dit, j'ai un peu comme bon, tu es dans la famille, où papa est en train de partager bonbon. Si bonbon veut finir, tu as une main derrière ton père pour qu'il pense à toi. Peut-être que tu peux sortir sans. Tu peux sortir vendredi, les autres ont eu, ils ont dit, il faut attendre demain. Mais là, quoi faut faire? Science, grâce. Moi, je trouve qu'il faut vraiment le chercher. Tu vois comment ton cœur fait pendant que tu en as parlé, non? Comment ça fait blablabla, c'est sucré là-dedans, non? Voilà. C'est Dieu. C'est la grâce, la faveur. Mais je trouve aussi que c'est une grâce, celui qui le connaît. Quand il ne connaît pas, le connaît vraiment, comme tu vas t'asseoir pour dire, comme Paul, bon, c'est pas une manière de se glorifier, mais c'est que selon ce qu'il a fait, il dit. Mm. Et quand on dit quelqu'un a travaillé, j'ai travaillé. Ouais. Voilà. Jean, c'est. Et puis quand tu regardes presque tous les prophètes, Dieu n'a jamais travaillé avec quelqu'un, même chose. Tout c'est différent. Amen. Tu vas dire quoi là? C'est une grâce. Il y a des gens qui vont mourir sans le connaître, sans même devenir chrétien. Il a pris d'autres, ils n'ont pas connu la mort, il les a envoyés au paradis. Oui. C'est terrible. Tu vas dire quoi là? Hein? C'est terrible. Oh. Ah, moi c'est Dieu là. C'est Dieu là, c'est Dieu. Non, non, non. Ah. Que Dieu nous aide. Comment on fait, Junior? Que Dieu nous aide. Qui nous aime. Voilà. J'entends gloire et puissance, force et louange, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, thank you. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Le sacrifice des méchants est honoré à l'Éternel, mais la prière des hommes justes lui sont agréables. Proverbe chapitre 15, mmh. verset 8, quelqu'un dit qu'il veut poser la question concernant cela. Qui a écrit là-bas? Oui. C'est moi. Mmh. Allons-y, c'est Proverbe chapitre 15, verset 8 là. Qu'est-ce que ça dit? Oui. Proverbe chapitre 15, verset 8 dit, trouvez mes frères et sœurs. Il y a une question, une bonne question ici là. Trouvez combien? Proverbe chapitre 15, verset 8. Je lis. Si tout le monde a trouvé, je lis et je pose ma question. Oui, tu parles, frère. Ok. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Ma question est la suivante. Qui est le méchant? Et est-ce que ce passage veut, quand on parle du sacrifice des méchants ici, est-ce que ce sont les offrandes qu'ils font à tout le monde? Parce que je crois aussi qu'il y a des offrandes qui sont faites, ou bien ce sont des sacrifices, des immolations, des bêtes, ou tout ça. Le bienfait, je ne sais pas, parce que je ne comprends pas très bien le verset en fait. Le deuxième volet de la partie B dit quoi? Mais le. Il dit mais la prière des hommes droits lui est agréable. Voilà. Donc les hommes droits, ça suppose donc que c'est le contraire de ce qu'il en a dit en haut, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi le sacrifice dont il en a parlé? Et ça, c'est justement la question. C'est quoi le méchant pour lui? Quel est le méchant? C'est qui? Et le sacrifice qu'il offre, c'est quoi? Donc, ça peut être le chrétien, par exemple, le méchant. Est-ce que Dieu peut appeler le chrétien méchant, un méchant? Non. Est-ce que Dieu peut appeler les chrétiens, dans notre contexte, les hommes droits? Oui. Bon, si les chrétiens ne peuvent pas être les méchants, alors qui sont-ils alors? Tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Donc, ça dit qu'en réalité, tu sais, donc, qui sont les méchants, n'est-ce pas, mon frère? Oui. Ce que ça veut dire, tous ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur sont les méchants. Mais c'est ce que la Bible dit, c'est ce que la Bible déclare. Tu peux les appeler sorciers. N'importe quoi, tu peux les appeler, mais c'est ce qu'il y en a. Il y a une chose. Oui. Pendant le temps que ces personnes-là ne sont pas encore, puisque je ne connais pas la fin de ces personnes. Oui. Je ne sais pas si ça va changer après. Est-ce que tu dois être Dieu pour savoir qu'à partir de maintenant, il va changer plus tard alors? Non. Donc ça veut dire que c'est l'acte qui pose là maintenant qui le fait. Quand ouvre le livre des Actes des Apôtres. Rapidement. Oui, oui. Chapitre 13. Oui. Verset 8, allons-y. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom. Leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Continue, mon frère. Ok. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, stop. Et ennemi de ennemi stop, mon frère. Justice. Stop. Sur cette circonstance-là, l'apôtre Paul a dit, ou mieux le Saint-Esprit a-t-il dit, est-ce que le Saint-Esprit a dit, il ne faut pas qu'on l'appelle fils du diable parce que plus tard il peut changer? Non. Pourquoi l'appelle-t-il fils du diable? Parce que le Saint-Esprit l'a conduit, le Saint-Esprit le connaît mieux. Donc ça veut dire que c'est pas à nous de connaître quelqu'un. Quand il a dit fils du diable là-bas, il a dit c'est fils du diable, n'est-ce pas, frère? Oui. Donc si oui. quelqu'un de nous aujourd'hui était là-bas, il a dit que pourquoi l'apôtre Paul juge quelqu'un? Il juge quelqu'un pourquoi? Il est qui pour l'appeler fils du diable? Ne sachant pas que c'est pas l'apôtre Paul qui a de parler, n'est-ce pas, frère? Oui. Donc allez, en réalité, tous ceux qui n'ont pas l'évangile et qui ne croient pas à l'évangile sont sous la coupe du diable. Dont les méchants les manipulent. Tous, sans exception. Mais ça dit que s'ils, même s'ils font n'importe quel bien, le Seigneur a ça en horreur. Mais qu'est-ce qu'on a écrit dans ces proverbes, chapitre 15, verset 5, verset 8, la partie? Souvent, ils font des actions, au niveau du social, ceci, cela, tout ça, les aides. La Bible déclare que toute notre justice est un vêtement souillé. Parce que l'acte, avant que tu fasses n'importe quel sacrifice à Dieu, la Bible déclare que premièrement, on doit être sous la justice de Dieu afin d'offrir à Dieu des sacrifices des victimes. D'accord? Mm-hmm. Il faut d'abord être en Christ, puis tu peux offrir des sacrifices des victimes qui lui sont agréables. La sœur Reine a compris, a conclu vraiment qu'il faut qu'on conclue. Où est la sœur Reine, n'est-ce pas? Elle a résisté. Mm-hmm. Bergie dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée, frère Junior. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'unité et sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Souvenez-vous que à tout moment, vous passez par quelque difficulté que ce soit. Souvenez-vous que Jésus-Christ est fidèle. Que sa promesse ne peut pas changer. Et qu'il dit et accomplit ce qu'il a dit. Et que sa tarde, les ténèbres ne peuvent pas l'envahir parce qu'il a vaincu les ténèbres pour toujours. Donc faisons-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi. Amen. Amen. Le miracle de sa majesté.